Comment l'inventeur du bouillon cube fut pris pour un espion juif allemand? Depuis 1889, date de l'adoption de la première loi sur la nationalité française, les polémiques sur le laxisme du gouvernement concernant l'immigration illégale ont été constamment exploitées par les nationalistes de tout poil. Parmi les multiples exemples que j'aurais pu prendre pour illustrer ce point, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'affaire Maggi. Fils d'un immigrant italien, mais de nationalité suisse, Julius Maggi s'était établi définitivement à Paris en 1901. En 1907, il obtint un brevet pour la marque Maggi, qui existe encore de nos jours et que connaissent bien tous les amateurs du bouillon cube, KUB. Dès 1912, 6 millions de ces cubes étaient vendus chaque mois en France. Maggi était alors considéré comme un philanthrope parce qu'il avait combattu le péril blanc, c'est-à-dire le lait falsifié qui causait la mort de milliers d'enfants, en commercialisant un lait pasteurisé et rigoureusement contrôlé. Son action dans ce domaine lui valut la Légion d'honneur. Pourtant, ses concurrents ne voyaient pas d'un bon œil sa réussite. En 1912, les membres du syndicat des crémiers de Paris et des départements lancèrent une virulente campagne contre lui, incriminant son origine. Ils collèrent sur les murs de Paris une affiche ainsi rédigée. « Parisiens, voulez-vous connaître la nationalité exacte de vos fournisseurs ?» Et pour ceux qui n'auraient pas compris où ils voulaient en venir, l'affiche était divisée en deux parties. La partie gauche, celle qui énumérait le nom des laitiers « bien de chez nous », comme on dit, était ornée d'un ruban tricolore, tandis que la partie droite citait les membres, tous étrangers, du conseil de direction de l'entreprise que l'affiche appelait « l'Allgemeine Maggi Gesellschaft ». Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, l'auteur des Lettres de Montmoulin, s'empara de l'affaire dans le quotidien d'extrême droite « L'Action française ». Dans le numéro du 18 décembre 1912, juste à côté d'un gros article intitulé « L'espionnage juif allemand », Daudet exprima sa solidarité avec les crémiers de Paris en affirmant qu'il était, je cite, « nécessaire de défendre contre l'impudent attentat de puissants étrangers les intérêts d'un syndicat de petits commerçants français ». Considérant que cette société agissait, je cite à nouveau, contre la défense nationale de notre pays, il exigeait des autorités qu'elles sévissent contre ces criminels étrangers. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, les fake news de Daudet se répandirent comme une traînée de poudre. À Paris et en banlieue, plusieurs magasins Maggi furent pillés et saccagés. Les centaines de milliers de plaques émaillées que Maggi avait fait poser à travers le pays pour promouvoir le K comme cube, furent présentés comme des codes mystérieux dans le but d'informer les troupes allemandes. Cette ineptie fut même prise au sérieux par le gouvernement français, à tel point que les préfets reçurent l'ordre de faire dévisser les plaques, notamment aux abords des ouvrages stratégiques. Au cours de la guerre, ces rumeurs sur les espions étrangers contribuèrent aussi à durcir la législation à l'égard des naturalisés originaires des pays ennemis.